Bienvenue dans cette troisième vidéo de méditation semi-guidée. Tu vas entendre ma voix pendant quelques minutes et ensuite je te laisserai méditer seul. Tu entendras à nouveau ma voix à la fin des 15 minutes pour t'indiquer la fin de la méditation. Pour commencer, éteins ton téléphone portable. Vérifie que la batterie de ton ordinateur ne va pas s'arrêter avant les 15 minutes de méditation. Règle le volume du son de ton ordinateur ou de ce que tu utilises pour écouter ce programme pour que le son ne soit ni trop faible ni trop fort. Tu ne dois pas être dérangé par ma voix et tu dois pouvoir m'entendre sans faire d'effort. Ne te mets pas en face de ton écran, éloigne-toi de lui pour aller dans un endroit où tu pourras méditer sans être tenté de regarder l'écran et de couper la méditation. Commence par t'asseoir dans une position confortable. Tu peux t'asseoir normalement sur une chaise ou t'asseoir en tailleur. Tu peux aujourd'hui aussi t'asseoir en demi-lotus ou en lotus, les jambes superposées l'une contre l'autre. Garde aujourd'hui encore le dos bien droit, de manière à pouvoir maintenir cette position en restant immobile pendant toute la séance. Maintiens bien droit aussi le bas du dos grâce à tes abdominaux. Tu peux rentrer légèrement ton ventre pour avoir une position plus droite facilement. Relâche tes épaules et penche-les légèrement vers l'avant. Rentre légèrement le menton à l'intérieur du cou. Remarque comme cette position peut être plus facile aujourd'hui, maintenant que tu l'as déjà réalisée deux fois de suite, hier et avant-hier. Aujourd'hui, tu vas réunir tes mains au centre de ton corps, posées sur tes jambes, donc, paume vers le ciel et les deux mains superposées l'une sur l'autre. On va aujourd'hui se concentrer sur la respiration. Ferme les yeux lentement. Lors de cette méditation, nous allons toujours maintenir cette position. Aujourd'hui encore, n'essaye pas de faire le vide ou de te déstresser ou de bloquer tes pensées. Pour cette troisième méditation, on va simplement garder son attention posée sur la respiration. Inspire profondément par le nez. Puis expire par le nez. Pendant toute cette méditation, nous allons respirer uniquement par le nez. Respire de plus en plus lentement. Respire le plus profondément possible. Ressens l'air rentrer en toi et descendre au plus bas quand tu inspires. Ressens ton ventre se gonfler. Puis quand tu expires, ressens ton ventre se vider. Ressens l'air qui sort de ton corps. Ta respiration peut émettre un son continu et stable. Essaye de passer de l'inspiration à l'expiration de manière fluide, sans bloquer ta respiration entre les deux. Bientôt, tu n'entendras plus ma voix. Et tout ce que tu auras à faire pendant cette méditation, c'est te concentrer sur ta respiration comme tu le fais actuellement. Si jamais tu cesses de penser à ta respiration et que d'autres pensées différentes te traversent l'esprit, ce n'est pas grave. Observe ces pensées sans les juger, puis pense à nouveau à ta respiration. Ta respiration lente, profonde et continue. Cette respiration doit partir du ventre, elle doit descendre le plus bas possible. Lorsque tu es déconcentré de ta respiration, tu peux compter intérieurement 5 respirations pour recentrer ton attention. 1. Deux. Trois. Quatre. Si au cours de la méditation tu penses souvent à autre chose que ta respiration, ce n'est pas grave. L'intérêt de l'exercice est justement de faire cette observation et de se recentrer sur sa respiration. Pendant toute la séance, maintiens une position équilibrée, ni trop en avant, ni trop en arrière, ni trop à gauche, ni trop à droite, et reste immobile. Continue à respirer lentement et profondément, jusqu'à ce que tu entendes à nouveau ma voix. Ressens ton corps se gonfler et se vider lorsque tu inspires et que tu expires. Tu vas maintenant méditer tout seul sur ta respiration. On se retrouve dans quelques minutes. peux maintenant lentement ouvrir les yeux et continuer à respirer calmement. Ressens-tu les choses différemment maintenant par rapport au début de la méditation? Tu peux lever les bras et t'étirer. Lors de cette journée, tu pourras continuer à respirer profondément, te concentrant sur ta respiration et maintenir cet état méditatif. On se retrouve demain pour une nouvelle séance de méditation avec des instructions nouvelles. Passe une très bonne journée.